بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui t'es enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, sauf une partie, la moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran clairement. Nous allons jeter sur toi une parole dense, la veillée nocturne est plus ferme d'empreinte et plus propice à la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Alors, invoque souvent le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Seigneur du levant et du couchant, nul Dieu autre que lui, alors prends-le donc comme seul protecteur. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Endure ce qu'ils disent avec patience et éloigne-toi d'eux bellement. Et laisse-moi m'occuper de ceux qui démentent, qui vivent dans l'aisance, et laisse-les jouir d'un court répit. Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un brasier ardent. De même qu'une nourriture avec laquelle ils s'étoufferont et un douloureux châtiment. Un jour, la terre et les montagnes se mettront à trembler et ces dernières seront réduites à des dunes de sable en mouvement. إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Nous vous avons envoyé un messager pour servir de témoin contre vous, de même que nous en avions envoyé un à Pharaon. Mais Pharaon se rebella contre ce messager. Alors nous le saisîmes sans aucun ménagement. Si vous refusez de croire, comment comptez-vous vous protéger contre un jour où l'on verra blanchir les cheveux des nourrissons et où le ciel même se fendra? La promesse de Dieu doit s'accomplir. Ceci est un rappel, alors que celui qui le veut emprunte une voie menant à son Seigneur. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Certes, ton Seigneur sait que tu te tiens debout pour prier, ô Mohammed, parfois près des deux tiers de la nuit, parfois la moitié, et parfois un tiers, de même qu'un groupe de tes compagnons. Dieu détermine la durée de la nuit et du jour. Il sait bien que vous, vous n'en faites pas le compte exact. Alors il se tourne vers vous en toute miséricorde. Récitez donc du Coran ce que vous pourrez. Dieu sait qu'il y aura parmi vous des gens malades, d'autres qui voyagent de par le monde à la recherche de sa grâce, et d'autres encore qui luttent pour sa cause. Alors récitez du Coran ce que vous pourrez. Accomplissez vos prières, acquittez la zakat, et faites à Dieu un prêt sincère. Tout ce que vous aurez avancé comme bonnes œuvres pour le salut de votre âme, vous le retrouverez auprès de Dieu, avantageusement récompensé, et implorez le pardon de Dieu. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux.